Les Coréens visitent le haut lieu révolutionnaire de Gwasandin à l'occasion du 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie. En juillet, de nombreux militaires, travailleurs, jeunes et enfants le visitent. Rappelons que ce site garde les hauts faits révolutionnaires du président Kim Il-sung, qui a logé du début de novembre à mi-décembre de l'an 39 du Jutsu 1950 au plus fort de la guerre de Corée, et a œuvré dynamiquement pour une phase de changement radical dans la guerre.